Piste 20. Unité 2. 1. C. Bonjour, moi c'est Anke, Anke Fischer. J'ai 20 ans et je suis célibataire. J'habite à Paris parce que je suis en échange Erasmus. Je suis étudiante en art. Ce que j'aime à Paris, c'est la culture et les musées.